seule. Chaque matin elle se lève à 7h, elle se prépare, elle court dans les escaliers. Elle croise toujours les mêmes visages aux mêmes heures. Dans le train qui l'emmène, derrière la vitre, le même paysage, le même. Elle sent parfois qu'un garçon la regarde. L'amour, elle en a pleuré des nuits pour ça. Son cœur fait bang, mais elle est sur ses gardes. Oh, elle chante en secret. Mon prince viendra. C'est un jour ordinaire, avec des rêves et son foulard beige clair. Mais est-ce que tu sais cela? Oh, jeune fille discrète, tu es pour moi une héroïne. C'est pour toi que je chante. God save the queen. Et puis les heures se succèdent ordinaires. Oh, oh, il y a des posters de mère au mur. Le train du soir qui roule.